back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on passe une heure à parler d'économie, à tenir un discours hétérodoxe. Pour ce faire, je fais la lecture d'extraits de livres que j'ai choisis, des livres qui traitent d'économie directement ou encore au sens large. Un livre par semaine, une heure entière consacrée à ce livre. Et un invité pour parler du thème de la semaine. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marwa Rizki, professeure en droit fiscal à l'Université de Sherbrooke. C'est une dame capable de parler d'évitement et d'évasion fiscale et de rendre ça intéressant. Vous verrez, c'est promis. Ou argent caché dans un paradis fiscal remis. Alors, c'est ça, Econophile, un concept simple, un livre, une invitée, une heure à parler d'économie en rendant le tout plus accessible et plus humain. Bienvenue à Econophile. Et c'est une émission à laquelle vous pouvez contribuer. Je vous invite à m'écrire via notre page Facebook. Vous allez aimer la page d'Econophile pour vous permettre de savoir ce qui s'en vient, ce qu'on va publier d'intéressant. Lire des compléments aussi. Et puis en m'écrivant, des questions, des commentaires. Il y a Philo qui m'a écrit. Je présume que c'est pas son nom, mais bref, voici le commentaire. Il est difficile d'imaginer que l'on puisse changer les choses sans changer complètement le système. Les politiciens font comme on fait toujours, les banquiers contrôlent à peu près tout, il reste pour ceux qui veulent court-circuiter les façons de faire fort peu d'espace. Aurons-nous le courage de passer de la parole aux actes, de faire en sorte de prendre la place de ceux qui nous gouvernent? Et une fois au pouvoir, pourrons-nous briser le moule? On peut rêver quelques minutes, non? Effectivement. Merci beaucoup du commentaire et merci d'écouter. Alors, pour m'écrire sur Facebook, d'ailleurs, ça me fait penser que le commentaire qu'on vient d'entendre, ça ressemble beaucoup à ce que disait Roméo Bouchard à cette émission, à la semaine numéro 3. Donc, c'est sur facebook.com/econophile891 ou encore sur notre tout nouveau blog, c'est vrai, je vous le dis, accessible aussi via notre page Facebook. Vous pourrez, pour avoir des informations supplémentaires, vous cliquez sur cet onglet-là pour lire des résumés et retrouver toutes les émissions de la saison. Bref, contrairement aux paradis fiscaux, tout est là et il n'y a rien de caché. Oui, Just Like Heaven pour parler des paradis fiscaux. Je trouvais qu'il y avait un lien intéressant. Donc, cette semaine, un livre qui traite d'un sujet sérieux, choquant aussi, qui peut paraître abstrait ou peu concret, mais c'est exactement le contraire, à mon avis. Le titre, Une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux. L'auteur, c'est Alain Deneau, le philosophe à la notoriété, ma foi, bien établie. Surtout à s'en prendre à l'évasion fiscale, justement aux paradis fiscaux, à l'évitement fiscal, à toutes ces questions, incluant les considérations morales que ça implique. Alors, c'est un voyage au cœur de ce qui est secret, de ce qu'on n'aime pas qu'on sache. C'est parler de la responsabilité morale et économique des acteurs impliqués, incluant celle des politiciens qui sont pour le moins décevants quand il est question de lutter contre ça. Mais on va rester concret, compréhensible avec notre invité Marois Risky qui donne tout plein d'exemples concrets. Bref, ça promet. Bonne émission tout le monde. Alors, d'entrée de jeu, on va, Alain Denault, ne prend en fait aucun détour pour placer le sujet. Il écrit ce qui suit. Alors, lorsqu'on attend 40 minutes un autobus à moins 20 degrés Celsius, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'un hôpital met un an et demi à procéder à une intervention chirurgicale pourtant cruciale, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsque s'effondre un viaduc faute d'entretien, lorsqu'on ferme un centre d'aide aux toxicomanes, lorsqu'une commission scolaire abolit son programme d'aide aux élèves en difficulté, lorsqu'une compagnie de danse se voit incapable de rétribuer ses artistes pour leurs répétitions, lorsqu'une télévision d'État supprime son service d'information internationale, c'est à cause des paradis fiscaux. Les manques à gagner dans le trésor public qu'occasionnent le recours aux paradis fiscaux par les grandes entreprises et les particuliers fortunés expliquent en grande partie les plans d'austérité décidés complaisamment par des gouvernements toujours officiellement en manque de moyens. Le public en subit les conséquences de plein fouet. Il n'y a en contrepartie à l'œuvre aucune logique de ruissellement observable, c'est-à-dire qu'en détournant aussi massivement les capitaux à leur avantage, les investisseurs, les entreprises et les détenteurs de capitaux ne créent pas de richesses ni d'emplois de manière notable. Les salaires stagnent depuis des décennies, le taux de chômage ne diminue pas de manière sensible, les services publics coûtent toujours aussi cher à une population qui en reçoit de moins en moins, le statut des emplois devient si précaire qu'il fragilise les gens eux-mêmes, et ce, sans que les gouvernements ne soient en train de procéder à un virage énergétique pourtant urgent, ni un programme concerté et rationné de décroissance. La pauvreté et l'insécurité généralisée en tiendront lieu. Au prix de ce contexte instable, la concentration du capital génère chaque année ces nouveaux « high net worth individuals », des détenteurs de fonds excédentaires strictement voués à leur propre processus d'accroissement. Les grandes entreprises, les institutions financières et les détenteurs de fortune continuent d'orienter à leur profit le fruit du travail des autres, captent les produits de la croissance, thésaurisent massivement leurs actifs dans les paradis fiscaux, y mènent des opérations souvent spéculatives sans pertinence économique réelle, en échappant au contrôle des institutions étatiques et en profitant chez nous des infrastructures publiques que la classe moyenne finance presque seule, donc sans payer leur proverbiale juste part. Puis ce sont les contribuables qui les financent. Ils subventionnent leur création d'emplois et remboursent les dettes que leur État contracte auprès d'eux. Les contribuables versent donc des intérêts à des détenteurs de capitaux que leur État n'impose presque plus. C'est là, résumé, le fait contemporain d'une escroquerie légalisée au centre de laquelle se profilent les paradis fiscaux. C'est, ma foi, merveilleux et limpide. Et puis, Denault commence par nous parler de ce qu'on sait, c'est-à-dire que, bon, parce que oui, on sait que ça existe, les paradis fiscaux, depuis à peu près toujours. On en parle dans les films, la télé, aux nouvelles, dans les journaux, c'est clair, on est conscient de ça. On connaît les Caïmans, Bermude, Barbade, la Suisse, on les connaît. Mais en même temps, c'est pas grand-chose. Évidemment, à partir du moment où c'est censé être secret, ben, par définition, c'est compliqué de savoir ce qu'il en est. Alors, commençons par la base. Il dit ceci. Ces législations de complaisance représentent un problème de très grande envergure. Des capitaux massifs s'y canalisent, au moins 21 000 milliards de dollars selon une étude d'un ancien économiste de la firme McKinsey & Company, James Henry. L'estimation provient de données produites par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques centrales du monde et la Banque de règlement internationaux dont celles-ci sont membres notamment. Il s'agit là seulement d'actifs financiers, les biens immobiliers pharaoniques des particuliers résidant offshore et les objets de luxe tels que les yachts ou les bijoux acquis offshore n'ayant pas été comptabilisés. Alors, on se comprend, là, on n'a même pas le concret en plus. Autrement dit, c'est l'équivalent des économies cumulées des États-Unis et du Japon qui se trouvent administrées hors de toute contrainte légale dans ces pays ultra-permissifs que sont les paradis fiscaux. De ce montant, près de 12 000 milliards de dollars relèvent de l'activité des 50 principales institutions financières du monde, à leur profit ou au bénéfice de leur distinguée clientèle. Parmi elles, les Canadiennes ont pignon sur rue, surtout dans les législations de la Caraïbe britannique. La situation génère évidemment de nombreuses distorsions comptables. La série de cailloux que sont les îles Caïmans se révèle le sixième centre financier en importance au monde. Les îles Vierges britanniques comptent parmi les plus importants partenaires commerciaux de la Chine, tandis que le duché du Luxembourg est le pays à partir duquel les Européens investissent le plus dans le monde. Alors, c'est tout petit, mais le problème est énorme, vraiment, là, quand on y pense, là, 21 000 milliards. Là, moi, j'ai vu jusqu'à 30 000 milliards de mille sabords, tellement c'est gros. C'est juste pour vous donner une petite idée de l'appréciation qu'on peut avoir de la chose, là. On prend 30 000 milliards et on prélève l'impôt juste sur les intérêts, hein, juste sur les intérêts de ce que génèrent les 30 000 milliards. Et hop, comme ça, on a l'argent pour appliquer intégralement le plan de lutte à la pauvreté de l'ONU. On n'a même pas attaqué le capital, là, juste prélevé de l'impôt sur les intérêts. Les sommes en jeu là, sont vraiment, effectivement, gigantesques, sont pharaoniques, comme on disait, extra-gigantesco-titaniques. On va inventer des mots parce que c'est plus gros que ce qu'on peut imaginer. Bref, je vous propose tout de suite la première partie de l'entretien avec Marois Risky, professeur à l'Université de Sherbrooke, à qui j'ai demandé de me donner, dans le fond, son évaluation de l'ampleur du problème de l'évasion et de l'évitement fiscal. On va aborder ces sujets-là qui méritent d'être distingués également. Alors, voici. C'est quoi, vous, votre lecture de l'ampleur du problème? Pour moi, il est effectivement majeur. Certains vont minimiser les chiffres. Puis souvent, les citoyens ne font pas la distinction entre évasion fiscale et l'évitement fiscal. L'évasion fiscale, c'est vraiment, on peut penser, un exemple très, très simple, quelqu'un qui a un compte bancaire à l'étranger et qui ne divulgue pas ce compte bancaire et les intérêts cumulés. Là, on va parler d'évasion fiscale, c'est de la fraude fiscale. Alors que l'évitement fiscal, c'est quelqu'un qui va vraiment utiliser les lois pour s'assurer de ne pas payer d'impôts. Oui. Et des fois, même leur interprétation là, est tellement exagérée de la loi que pour moi, oui, ça dépasse l'évitement fiscal, ça devient même de la fraude fiscale. Et il y a Alain Deneau, entre autres, qui disait un terme, je trouvais ça intéressant, parce que on peut faire toutes sortes, il y a toutes sortes de manières d'en faire de l'évitement ou de l'évasion, si bien qu'il parlait de législation de complaisance. Exactement. Lorsque j'étais à la Commission des finances publiques le 15 septembre dernier, j'avais fait un parallèle aux parlementaires. Je leur ai dit, prenons l'exemple que la fraude fiscale, c'est quelqu'un qui roule sur l'autoroute puis qui commet une conduite dangereuse plus de 200 km/h. Ça, c'est illégal. Quelqu'un qui a un excès de vitesse, on va dire, tu vas avoir quand même une amende, mais ça va rester encore un peu, on va pas vous suspendre, on va pas vous mettre en prison. Et j'ai donné l'exemple de Apple, là, a pas commis d'excès de vitesse, a pas fait de conduite dangereuse, elle a carrément demandé une voie de contournement. que le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec cette voie de contournement qui était seulement accessible pour Apple ou d'autres multinationales du même type qu'Apple qui vont négocier derrière les portes closes avec le gouvernement et qui vont s'entendre d'avance sur leur traitement fiscal. Et ça, c'est donc contrairement aux humains mortels que nous sommes, là. Ça, c'est clairement pas accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment pour ce que j'appelle, moi, les supranationales. C'est des entreprises qui font affaire partout dans le monde, tout en étant responsables nulle part. Et quand on parlait un peu de l'ampleur, j'ai vu des chiffres, là, on parle de 20 000 milliards, 30 000 milliards. Autrement dit, il y a des dizaines de milliards, certainement, ou probablement plus, parce que par définition, c'est secret. Mais qu'est-ce que ça a comme poids, comme impact? C'est quoi la part de l'économie qu'on perd là-dedans? Pour vous donner une idée, au Québec, on essaie de récupérer en matière de fraude fiscale autour de 3 milliards de dollars. Au Canada, on parle autour de 5 milliards pour la fraude fiscale. Alors que l'évitement fiscal, certaines personnes avancent le chiffre de 200 milliards de dollars qui échappent à l'économie canadienne. Ça, c'est énorme. Et je vais vous donner juste des petits chiffres. L'Irlande doit récupérer auprès de Apple, près de, avec intérêt et arrière, on parle de 20 milliards de dollars US. Donc, c'est majeur. Et quand on regarde ce que, dernièrement, la Belgique aussi a été condamnée par la Commission européenne, puis elle doit recouvrir presque 1 milliard de dollars auprès de plusieurs entreprises. On parle aussi du Luxembourg qui a été pris au piège. Donc, c'est des milliards de dollars qui doivent être récupérés. Donc, on parle pas de centaines de millions, mais réellement de milliards de dollars. Et ici, on parle uniquement d'impôts corporatifs. J'ai même pas encore fait l'autre palier de taxation qui est la taxe de vente. Parce que là, en plus, on se comprend que dans cette optique-là, ce dont on parle, c'est si on pouvait au moins récupérer ce qu'un peu tout le monde paye, donc faire payer sa part et non pas dire on va aller avaler tout ce qu'il y a puis on va empêcher aux entreprises de prospérer. La question n'est pas là du tout. Pas du tout. En fait, les conventions fiscales, lorsqu'elles ont été signées puis commençaient à être articulées, c'était dans les années 1920. Et l'objectif était d'éviter la double imposition. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que ça fait plus de 20 ans que les entreprises comme Apple, eBay, qui a fêté ses 20 ans en septembre 2015, c'est des entreprises qui ont réussi à utiliser les conventions fiscales pour faire de la double non-imposition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés dans leur pays de résidence et encore pas taxés dans le pays source, c'est-à-dire où est-ce qu'elles génèrent leur réelle activité économique. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise qui vend des produits au Canada, on pourrait s'attendre à ce qu'elle paye ses impôts ici. Mais elle va être capable de faire toute sa structure fiscale, un montage financier, pour s'assurer d'utiliser les conventions fiscales parfaitement légales pour dire au gouvernement canadien, je ne suis pas supposé être imposé ici, je suis supposé être imposé dans un autre pays. Le gouvernement canadien, puisqu'il est signataire de cette convention, va l'honorer en pensant que l'autre pays va le taxer. Mais cette entreprise, dans l'autre juridiction, va avoir une entente secrète pour dire, ben finalement, moi, même si j'ai dit au gouvernement canadien que j'ai été taxé, par exemple, en Irlande, on peut s'entendre pour que je sois taxé à 0,005%. C'est-à-dire, juste pour donner une certaine perspective, si vous gagnez 1 million de dollars, ben votre taxe sera de 50 dollars. C'est pas beaucoup. C'est rien. Effectivement. Alors, c'est de tout ça qui est question. Puis, les gouvernements sont bien au courant de cette situation. Ça fait des années qu'on en parle. Oui, oui, ça fait des années qu'on en parle. Et c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1. C'est David Lemelin au micro. On aborde des choses gigantesques aujourd'hui, vraiment. Donc, le problème est effectivement énorme, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Hein? On peut parler des paradis fiscaux, ou c'est le fun, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi un paradis fiscal? Alors là-dessus, Alain Deneau énonce 4 points. Une absence d'imposition, c'est le premier point, et chaque pays offre différentes possibilités pour que l'entreprise soit classée dans une catégorie qui, justement, n'est pas imposée. Hein? C'est pratique comme ça. Un système de loi aberrant. Les paradis fiscaux se sont dotés de systèmes de loi complaisants ou dérisoires, sciemment destinés à neutraliser le droit tel qu'il est en vigueur ailleurs dans le monde. Dans une législation complaisante, le droit garantit essentiellement l'impunité et la permissivité aux privilégiés qui ont le pouvoir d'y accéder, plutôt que de s'imposer à eux tel un régime de contraintes. Pour le dire autrement, les seules contraintes qu'on y observe portent sur des initiatives qui pourraient mettre à mal le régime d'impunité et d'anonymat mis en place. On se comprend, là, on protège ce qu'on cache, c'est ça qui est important. La loi votée dans les législations de complaisance sous l'influence des institutions financières, des entreprises multinationales et de leurs cabinets d'affaires se présente au sens photographique comme le négatif de la loi telle qu'elle est en vigueur dans les États de droit. Donc, pas besoin de nombre des bénéficiaires, le registraire n'est pas accessible au public, c'est le secret, et il n'y a aucun contrôle public. Et là, il ajoute. Marie-Christine Dupuis-Danon, experte onusienne, écrit dans son ouvrage « Finances criminelles » qu'aujourd'hui, ces législations complaisantes poussent un nombre croissant d'individus et d'entreprises à ne plus se demander si un acte est répréhensible par lui-même, mais s'il existe un moyen de l'effectuer en toute légalité quelque part dans le monde. C'est quand même fascinant ce bout-là, là. On se demande pas si ce qu'on fait est croche, on veut juste savoir si ce qu'on fait de croche peut être fait quelque part légalement dans le monde. Donc, on cherche cet endroit-là. Troisième point, justement, le secret bancaire. Un enquêteur ou un juge aura beaucoup de difficultés à savoir ce qui se passe, même si ça concerne un concitoyen de son pays. Parce que, on peut demander les transactions assis dans son bureau de New York, quand on pense à ça, Paris ou Montréal, sans être inquiété qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe avec son argent dans cette petite île ou ce tout petit pays. C'est secret. Et même pas le droit de le divulguer non plus. Quatrième point, une absence d'activité réelle. Donc, on fait semblant d'eux, là. Sauf dans de rares cas, les institutions financières, entreprises et particuliers nantis ayant recours aux paradis fiscaux n'ont pas à y mener une activité physique tangible. Des actifs ne sont dans les paradis fiscaux qu'à titre formel. Une entreprise du secteur bananier peut, sur papier, vendre à une filiale qu'elle contrôle à Jersey d'importantes cargaisons de fruits sans que jamais ses navires de transport ne voguent réellement sur la Manche, de même qu'une importante multinationale de l'électronique peut très bien céder à son entité des Bermudes les droits d'utilisation de sa propre marque, qui prête conséquemment à une activité commerciale, sans pour autant disposer de bureaux à Hamilton, la capitale. Un cabinet d'avocats spécialisé veille sur place à en générer une existence strictement juridique. We passed up on the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Oui, il y a souvent des liens dans ce que vous entendez. On crée donc des sociétés écrans. Ce sont des boîtes aux lettres, hein. C'est vraiment sans plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des souverainetés louées. C'est comme ça qu'on les appelle. Et on comprend au fond que ce qui compte, c'est de savoir jouer sur les mots, jouer avec les lois. Mais condition essentielle, laissez votre morale, votre éthique, votre sens humain aussi, au vestiaire. Ça, c'est sûr, ça sert à rien. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter à nouveau Marois Rizki. On se demande ici pourquoi, dans le fond, pourquoi les pays acceptent de jouer ce jeu-là? Pourquoi? On l'écoute. Si on parle d'abord de ceux qui sont les terres d'accueil, qu'est-ce qu'il faut dire de ces pays-là? Bon, alors, la décision Apple n'a pas encore été publiée, mais toutefois, la décision concernant la Belgique, qui a été sanctionnée aussi par la Commission européenne, elle a été publiée la semaine dernière. J'ai eu le temps de la lire, et on se rend compte que le stratagème pour les multinationales, pour avoir une entente d'exonération d'impôts, est la promesse d'avoir des emplois en Belgique. si on regarde, et je peux pas tracer un parallèle parfait puisque je n'ai pas encore la décision de Apple, mais Apple aussi a eu des emplois en Irlande. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion que l'un des avantages recherchés par le gouvernement irlandais était des emplois de qualité en Irlande? Et pourtant, ça semble complètement démesuré. Si on crée quelques dizaines et ou centaines d'emplois pour des millions ou des milliards qu'on perd, ça n'a pas de sens. Mais non, parce que l'Irlande n'a pas de pouvoir de taxation sur ses profits. Sur le schéma que j'ai sorti en commission parlementaire, tous ces profits ont été générés en France, en Espagne, en Italie, partout en Union européenne. Puis par une autre stratégie qu'on appelle de prix de transfert, ont été réattribués à l'Irlande. Mais ça, la Commission européenne n'avait pas le pouvoir juridique de juger ces transactions. Donc, elle devait uniquement là, faire abstraction à cet autre stratagème fiscal et parler uniquement de l'aide gouvernement illégale que l'Irlande a donnée. Donc, si, par exemple, dans le gouvernement irlandais ici, là, les ventes qui ont été conclues en France, réellement, l'Irlande n'aurait pas un véritable pouvoir de taxation si la France réagissait puis disait « Un instant, vous avez un établissement stable en France, donc les ventes générées en France par le magasin Apple sont taxables en France. » La Commission européenne a dit dans son communiqué de presse qu'elle invitait les pays membres de l'Union européenne à regarder leur propre législation et vérifier si oui ou non les ventes qui ont été faites chez eux auraient dû être taxées chez eux. Mais alors, la grande question, pourquoi ils font pas, pourquoi ils bougent pas, pourquoi ils changent pas les lois fiscales qui leur permettraient de... Dans le fond, si tout le monde essayait ensemble d'enrayer le problème disparaîtrait assez vite. Vous avez raison, puis là, il n'y aurait plus d'emploi pour les fiscalistes. C'est ça. C'est sûr que, dans mes mots à moi, ça peut paraître simple. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un doctorat et d'étudier la question de long en large, et je pense que oui, il y a des solutions. Et la première étape, c'est d'abord de faire des changements législatifs à l'intérieur de nos limites. Présentement, je trouve qu'il y a une tendance lourde à l'international que les gouvernements s'en remettent à l'OCDE. L'OCDE, c'est le grand organisme de coopération du développement économique qui a une branche fiscale, qui a créé aussi le modèle de convention fiscale à l'international. Cet organisme n'est pas un gouvernement. Et des fois, il faut que je rappelle aux gens que les commentaires de l'OCDE n'ont pas force de loi. C'est encore nos parlementaires, nos élus, le gouvernement qui peut légiférer sur nos impôts. Et c'est à eux, à ce moment-là, de retourner à la table de dessin puis de dessiner une nouvelle loi qui, elle, va être en diapason avec l'ère numérique. Parce que l'ère numérique permet maintenant des choses absolument folles. Ah oh oui, avec le commerce en ligne, et là, vous allez avoir pour votre argent, vous n'en payerez pas d'impôts. Et même si l'OCDE, avec le G20, en 2013, avait dit que le commerce en ligne serait leur priorité et qu'ils ont écrit un rapport de 300 pages. Écoutez, moi, j'ai lu le rapport de 300 pages, j'ai même pas été impressionnée une seule seconde, il y a absolument rien. Et j'en vais me remettre à Philip Baker, qui est l'avocat anglais, qui a été engagé par le gouvernement irlandais pour représenter l'Irlande dans le dossier Apple à la Commission européenne. Lui-même a dit qu'après avoir lu les multiples pages du rapport de l'OCDE, il n'y a pas grand changement. Donc ça veut dire, pour les gens qui nous écoutent, tout bon fiscaliste sait très bien comment structurer une transaction pour ne jamais payer d'impôts, surtout en commerce en ligne. Ça pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que souvent les gens vont vous dire c'est tellement complexe. Prenons l'exemple là, Monsieur Trump, qui dit là à tout le monde c'est tellement complexe la fiscalité, c'est tellement complexe. Et moi j'entends ça, non c'est pas du tout complexe. C'est complexe lorsqu'on veut que les gens se désintéressent du sujet pour qu'on ait absolument le champ libre pour faire n'importe quoi. Mais en même temps, on entend aussi que on se paye les bons avocats, on se paye les bons fiscalistes, on se paye les bonnes personnes pour être capable de quand même brouiller les pistes. Ça ne doit pas être si simple que ça. Je comprends qu'on sait que ça existe, mais mettre la main dans, prendre quelqu'un la main dans le sac quand il y a des règles, par exemple, y a le secret bancaire, ça ne doit pas être si facile. Ben, écoutez, le secret bancaire, moi, j'admire un peu là-dessus les Américains avec l'introduction de la loi FATCA. Ils ont obligé les banques étrangères à fournir l'information sur les résidents américains pour justement contrer l'évasion fiscale. Évidemment, les banques se sont braquées. Ils ont dit non, nous, on n'est pas des mandataires de l'État. Vous n'allez pas nous obliger à commencer à collecter l'information pour vous. Alors, le gouvernement américain, l'administration Obama a simplement répondu, d'accord, si vous voulez pas le faire, bien, il y aura une retenue de 30% sur vos paiements. Alors là, tout à coup, toutes les banques se sont pliées, même les banques suisses se sont pliées à cette exigence. Donc, des fois, ça prend juste un peu de volonté politique, puis faire abstraction de certains lobbies pour avancer. Donc, ça veut dire que l'efficacité vient de ceux qui convainquent les politiciens de ne pas bouger ou d'endurer? Selon moi, oui. Moi, je pense que la loi de l'impôt n'a pas encore été modernisée pour l'ère numérique. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et juste pour vous donner le nombre d'années qu'on en parle, le premier rapport sur la fiscalité numérique date de 1996, pardon, qui était le White Paper des États-Unis. Et le Canada, en 1998, a été l'hôte d'un sommet sur la fiscalité numérique. Et ce qui ressort de ce rapport était de ne rien faire pour le moment parce que c'était tout nouveau, tout beau. Donc, ils sont sortis des grands principes de qu'est-ce que ça devrait être la fiscalité numérique. Donc, il faut que ce soit neutre, il faut que ce soit efficace. Donc, vous comprenez que des mots, mais pas de taxation. Mais 20 ans plus tard, je peux pas croire que eBay fête 20 ans d'opération et que nous, on va fêter 20 ans d'inaction. Alors, c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1. Ici David Lemelin au micro. Bienvenue à vous. On parlait donc de législation de complaisance. C'est comme ça qu'Alain Deneau préfère appeler les paradis fiscaux. C'est plus complet, selon lui, comme façon de les appeler. D'abord parce que le mot paradis a surtout un passé colonial. Ça fait peut-être joli paradis, mais ça décrit pas le phénomène comme il faut. Ce sont des législations qui permettent ce qui est interdit ailleurs. Elles sont donc complaisante, effectivement, et chacune a son champ d'action propre, et ce, dans des domaines très variés. Dans cette catégorie générique des législations de complaisance, tandis que les paradis fiscaux favorisent le transfert de capitaux, la délocalisation d'actifs et l'enregistrement de bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition, les zones franches autorisent la création d'usines qui n'ont à tenir compte en rien de lois sur la sécurité au travail ou sur la syndicalisation, pratique, hein? Alors que les ports francs permettent l'immatriculation de navires sans contrainte, que ce soit en ce qui concerne le travail des marins, le traitement des déchets toxiques ou l'entretien des navires. Des détails. D'autres paradis réglementaires conféreront à des acteurs une couverture juridique, financière et politique qu'ils ne trouveraient pas dans les États où ils sont en réalité actifs, par exemple dans les domaines de l'extraction de richesses minières, de la propriété intellectuelle ou de l'assurance. Il en ressort l'image d'un vaste système de tricherie à la carte dans lequel un État, quelque part, est toujours prêt à permettre à des acteurs engagés dans un domaine particulier de contourner les lois en vigueur dans un autre État ailleurs dans le monde. Presque trop beau pour parler de paradis fiscal. Enfin donc, les paradis fiscaux ou législations de complaisance sont toutes une spécialité. C'est ça qu'on visualise bien quand on lit le livre d'Alain Deneau. La Suisse gère votre fortune, le Panama immatricule votre navire, le Luxembourg vous aide dans la gestion de votre société multinationale. En Irlande, eh bien, c'est la propriété intellectuelle. En Côte d'Ivoire, c'est pour votre compagnie pharmaceutique, à Singapour, c'est pour vous permettre de faire des paris sportifs. Mais au moins, hein, au Canada, le plus meilleur pays du monde entier, au moins ici, on n'est pas là-dedans, on est honnête, hein, nous autres, on est droit. Nous autres aussi, on l'a dit. Ben oui. Le Canada, les amis, c'est un paradis judiciaire et réglementaire pour les sociétés minières d'exploration. Tiens, j'ai des images. Le Canada aussi, donc, oui, les entreprises canadiennes, juste à la Barbade, ont investi, entre guillemets, 72 milliards. Hein, c'est beau, hein? Mais le Panama ne fait pas juste s'occuper de votre navire. Non, le pays se spécialise aussi dans les opérations criminelles. Ça aussi, c'est pratique. Blanchiment de fonds issus du narcotrafic, malversations en tout genre ou actes de corruption politique. Le trafic d'armes, la prostitution internationale, la contrefaçon de médicaments, l'immigration clandestine ou le trafic de matières dangereuses passent aussi par les législations de complaisance. L'idéal pour les criminels, parce qu'en plus, ils sont tenus au secret, donc c'est l'impunité. Et oui, les législations de complaisance, il n'y a aucun doute. C'est le paradis. Hey poor! Hey poor! Hey poor! You don't have to be poor anymore! Jesus is here! Jesus is here! Faire la liste des entreprises qui s'adonnent à l'évasion fiscale, à l'évitement fiscal ou aux paradis fiscaux, ce serait vraiment, dans le fond, trop long hein, quand on y pense. Il y en a vraiment partout, dans tous les domaines. Les Panama Papers ont montré qu'il y en avait du monde impliqué. Hein. Les documents ont révélé plus de 200 000 sociétés offshore. Rien que ça. Mais juste pour le fun, pour qu'on se rappelle que ce ne sont pas des compagnies inconnues qui existent que dans l'air, qui disent rien à personne. Des noms comme Google, Microsoft, Facebook, IBM, Dole, Del Monte, ExxonMobil, Nike, Disney, Québécois, tiens donc, IKEA, Glaxo, Pfizer. On a du fun, là. C'est vrai, là. Hein, l'informatique, l'agroalimentaire, les médias, le divertissement, le pétrole, donc et les pharmaceutiques, bien sûr. Alors, c'est vraiment partout. C'est mauvais pour nous, on perd des milliards qui ne contribuent pas à l'économie nationale et c'est aussi catastrophique pour les pays pauvres, hein, parce que des milliards qui échappent à des économies fragiles, on leur impose des ententes qui n'ont pas de sens, alors c'est évidemment, c'est très mauvais. Et il y a des conséquences à tout ça. Bien sûr, les pays perdent gros, quelque chose comme 80 milliards en France, 100 milliards aux États-Unis, 8 milliards au Canada, mais c'est des chiffres qui en disent trop peu, hein, ça dépend des segments auxquels on s'intéresse. Faut pas oublier que le secret bancaire, les pistes brouillées, personne ne sait vraiment ce qui est perdu. Mais chose certaine, on sous-estime sérieusement les sommes qui sont en jeu. Ce sont des pertes fiscales par milliards qui sont donc importantes pour financer les programmes, les infrastructures, contribuer au développement économique réel, concret. Au Canada, on l'a dit, c'est 199 milliards de gaspillés dans des investissements faits dans ces législations de complaisance. Et le truc, c'est de se faire ça maison. Hein. On crée des entités pour l'entreprise. On devient une multinationale, un groupe, un empire, et on délocalise les capitaux. On les fait se promener entre nos entités juste pour éviter de payer son dû. Entre 40 et 60 % des transactions financières mondiales se font entre des entités appartenant à la même multinationale. On se comprend, on joue sur notre propre terrain. Et en se promenant, on n'accumule pas de bénéfices, on ne paie pas d'impôts. C'est merveilleux. Et pour essayer de réduire le problème, l'État, nous dit Alain Deneau, a tendance malheureusement à imiter le principe de l'évitement fiscal. Au Québec, les revenus des particuliers sont imposables à 100 %, mais les gains de capitaux, 50 %. Le taux des entreprises déjà bas a été réduit pour éviter les fuites de capitaux. C'est ce qu'on dit. Ah, écoute, il faut éviter les fuites, on va baisser ça. Alors, en 2007... la taxe sur les revenus de placement des entreprises passe de 16,25 à 9,9 %. Magnifique. En 2015, le taux d'imposition des entreprises était de 11,9 % seulement. Donc, au lieu de faire en sorte que tout le monde paye, ben l'État accepte que certains paient moins que leur part au cas où ils placeraient leur argent à l'étranger. Hein, c'est... La taxe sur le capital, ben, on a fait disparaître ça pratiquement, ce qui a entraîné en 2013 des pertes pour l'État de 800 millions. On en a beaucoup des 800 millions en trop. Ça crève les yeux. On est fin avec les entreprises au Québec parce que ça, c'est sans compter les déductions fiscales, les subventions, les programmes d'investissement, les aménagements accordés pour le paiement des impôts. Alors, il écrit... Cela fait dire à des chercheurs comptables de l'Université du Québec à Montréal que le Québec est considéré comme étant un véritable paradis fiscal pour les entreprises, compte tenu de la qualité des services que notre État social leur offre, ainsi qu'aux investisseurs, eux qui profitent au premier chef des infrastructures publiques, au vu d'un taux d'imposition bien faible. Effectivement, tu viens, tu fais la business, tout est là, et de qualité. Et le Canada aussi fait bonne figure à ce mauvais tableau. Le taux d'imposition des entreprises au Canada, c'est un des plus bas, en fait, dans les pays de l'OCDE. Moins qu'aux États-Unis, pourtant, modèle, hein, en théorie, là, le taux moyen est de 26 % ici contre 39 pour l'oncle Sam. Donc, 26 ici, 39 aux États-Unis. Deneau nous dit donc... Cela fait du Canada un lieu de délocalisation fiscale depuis les États-Unis. Le géant de la restauration rapide Burger King, lorsqu'il a acquis le 25 novembre 2014, un autre mastodonte du même secteur d'activité, le Canadien Tim Hortons, a choisi à la faveur de cette transaction de fusionner avec cette entreprise afin d'installer son siège social au Canada et ce, strictement pour réduire sa facture fiscale. Troisième et dernière partie de l'entretien avec la fiscaliste Marois Risky. On parle ici du Québec maintenant, c'est là qu'on est rendu, de ce qu'on peut faire, perspective d'avenir, parce que même si les élus de l'Assemblée nationale avaient les visages longs, bien franchement, pour l'avoir regardé, la commission parlementaire, l'attitude même que je qualifierais de défaitiste, quoi qu'on en dise, il y a quelque chose à faire. Ils ont le pouvoir d'agir. Encore faut-il avoir le courage ou le goût, bien sûr. Mais pourtant, pour avoir regardé la commission parlementaire, j'étais quand même surpris moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la mollesse dans la réponse, comme si on vous disait notamment, parce que là, vous étiez à l'Assemblée nationale, « Ah, mais vous comprenez, il y a une partie qui revient au fédéral, donc qu'est-ce qu'on peut faire? » Vous êtes allé leur dire qu'ils ont les moyens concrets d'agir au Québec. Absolument. Écoutez, vous vous rappelez sans doute la commission Godbout? Bien sûr. Qui a été faite par mon collègue, Luc Godbout. Nous, à travers les travaux de la chaire en fiscalité puis en finances publiques, mes collègues et moi, on a dû participer à une étude qui était la fiscalité internationale et interprovinciale du Québec. La première chose qu'on a écrit, parce qu'on était convaincus qu'ils allaient nous poser la question, oui, mais est-ce qu'on doit attendre après Ottawa? D'emblée, on a parlé de droit constitutionnel. C'était la première chose qu'on a discuté. C'est quoi les pouvoirs du Québec? Notre conclusion, c'est que Québec, oui, à certains égards, peut agir seul, et dans d'autres cas, il ne pourra pas agir seul, mais qu'il peut quand même faire preuve de leadership. Et ce ne sera pas la première fois que Québec est celui qui ouvre la voie aux autres provinces, ainsi qu'au fédéral. On l'a vu dans des lois sociales que Québec a été capable d'être le leader. Alors, je ne vois pas pourquoi que dans les lois fiscales, il ne peut pas prendre le leadership. S'il y avait un leadership fort, il me semble que ce serait aussi difficile de dire à Québec qui dit on s'en prend à l'évasion fiscale. Pour nous, il faut que ça change drastiquement. On voit mal comment un politicien peut aller dire au fédéral, ouais, bon, c'est pas si grave que ça. Ben, en fait, ici, je vais nuancer. Moi, je veux pas que le Québec s'en prenne uniquement à l'évasion fiscale, parce que la dernière fois, ça a fait des très, très mauvais résultats. Rappelez-vous, lorsque le ministre Bachand a dit à Revenu Québec, trouvez-moi 3 milliards de dollars, je m'excuse, de dire, trouvez-moi 3 milliards de dollars, quand on ne dit pas où est-ce qu'on veut trouver 3 milliards de dollars, ça peut donner des bien mauvais résultats. Ouais. Rappelez-vous l'entreprise Enico qui a écopé justement d'un vérificateur qui a fait un excès de zèle et que même la Cour d'appel a condamné Revenu Québec à des dommages punitifs exemplaires. Moi, je trouve qu'il y a aussi un certain système à deux vitesses, parce que l'évasion fiscale, on s'attaque à monsieur puis à madame tout le monde. Alors que l'évitement fiscal, on s'attaque aux grands, les vrais supranationaux. C'est eux que moi, je préfère qu'on vise, parce que premièrement, là, c'est des sociétés étrangères qui viennent faire affaire au Canada. Moi, ça me fait plaisir. Si vous voulez venir faire affaire au Canada, vous êtes les bienvenus. Mais vous n'allez pas compétitionner nos entreprises québécoises et nos entreprises canadiennes sans payer d'impôts et sans payer de taxes. Parce qu'il faut se rappeler que lorsque ces entreprises ne payent pas d'impôts, ça veut dire que 0 $ pour notre système d'éducation, 0 $ pour notre système de santé, 0 $ pour nos infrastructures puis notre système d'aqueduc qui tombe en ruine. Donc, en quelque part, c'est pas seulement une question d'équité, c'est aussi une question de subventionner nos programmes sociaux. Mais on pourrait vous dire, ah, ben si c'est ça, moi, je vais aller vendre mes bebelles ailleurs. Mais qu'ils y aillent ailleurs, ça ne me dérange pas, parce qu'en fait, le consommateur, il est où? Il est dans les pays industrialisés. Le consommateur est au Canada, il est aux États-Unis, il est en France. Ils vendront pas leur bébelle en Somalie, là. Oui. Donc, à vous entendre, là, même si ça fait longtemps que ça dure, est-ce que vous êtes optimiste par rapport... Je comprends que ça ne sera pas demain matin, là, seulement, là, mais est-ce que vous avez l'air de quelqu'un d'optimiste? Là? Moi, comment je vous entrevoyez suis les choses? Une éternelle optimiste. C'est peut-être un défaut ou une qualité, mais je crois vraiment qu'en fait, le changement va venir lorsque les gens qui nous écoutent vont réagir. Quand ces gens vont comprendre qu'en fait, il est peut-être question de la petite épicerie fine au coin de la rue qui va peut-être fermer, parce qu'elle ne pourra plus compétitionner lorsque ces mêmes produits vont être vendus par une entreprise étrangère comme Alibaba ou Amazon. Nous-mêmes, on a vu hier Facebook qui annonçait qu'il rentrait aussi dans le commerce en ligne. Donc, il y a un nouveau joueur pour le commerce en ligne. Il faut que les gens comprennent que c'est correct, la technologie. Moi-même, je suis une friande de la technologie, mais il faut toujours que nos entreprises puissent avoir accès à un marché à armes égales. Et présentement, c'est pas le cas. Hier, j'étais à RDI Économie avec Jean Simard, le président de l'OZO, puis expliquait le nombre de pertes d'emplois qu'ils ont subies. C'est assez triste d'entendre ça, d'entendre que nos fleurons québécois commencent peu à peu à perdre des ailes. Moi, je suis convaincue que ça prend une stratégie numérique de deux ordres. La stratégie numérique, oui, elle doit s'assurer qu'il y ait une équité fiscale, mais elle doit aussi s'assurer que nos entreprises québécoises aient le moyen de leurs ambitions puis qu'elles puissent avoir accès à un marché international. Ça, c'est au gouvernement de faire quelque chose là-dessus, de s'assurer que toutes nos entreprises ont enfin fait le virage 2.0, parce que présentement, c'est pas le cas. Je pense que plus on va être nombreux à parler de fiscalité puis à s'intéresser à la fiscalité, les gens vont être capables, par exemple, de faire des choix. Puis moi, je peux prôner une solution. Si les gens l'aiment, tant mieux. Mais s'ils l'aiment pas, au moins, c'est en toute connaissance de cause. Ouais, très, très intéressant de discuter avec ce prof de l'Université de Sherbrooke. Oui, c'est par l'information, à force d'en parler, d'agir, qu'on finira par pousser les élus à se bouger, dans le fond. C'est ça qu'on comprend. Ça prend un incitatif. On a vu ça d'ailleurs en Pologne, hein, il n'y a pas longtemps, ces derniers jours, l'avortement interdit. Tiens donc, tout l'Occident, dans le fond, s'est montré scandalisé. Il y a eu des manifestations, une couverture médiatique mondiale, et puis ben, les résultats, ben, le gouvernement vire capot. Ça me rappelle une très importante phrase que j'aime bien d'ailleurs. Le peuple ne connaît pas son véritable pouvoir. Je mettrai ça d'ailleurs, je vais mettre l'image sur le Facebook de l'émission, ça dit tout ça. Le peuple ne connaît pas son véritable pouvoir. Et pour revenir au livre d'Alain Deneau, il nous rappelle que quand on fait le tour, on perd vraiment sur tous les plans. Perte de revenus immense pour l'État. Et les subventions, ben, ce sont les citoyens qui payent. Donc on subventionne des entreprises pour qu'elles puissent cacher leurs avoirs dans des paradis fiscaux. Et pendant ce temps-là, on aura fourni les infrastructures, les soins, le gros kit. Alors oui, on est vraiment fin. Hein? Ça, c'est un joli matou, ça. Oui, madame. Maintenant, coucou, je panique. Mais hein. Et pendant ce temps-là, ben, on peine à boucler les budgets, on gonfle la dette, on fait des déficits et vraiment ceux qui paient des impôts et des taxes, c'est eux autres qui contribuent à ça, pas ceux qui s'en sauvent évidemment. Pour boucler le budget, ben, on va inventer des tarifs, monter ceux qui existent, on crée des frais afférents, on hausse les frais de garderie, de stationnement à l'hôpital, tout, dans le fond. Tout est prétexte à puiser dans les poches de celui qui peut pas menacer de déménager aux Bermudes. Alors, on nous ramène la nécessité d'instaurer l'austérité, de couper partout en sauvage sans réfléchir, parce que pourtant, c'est ce qui plombe la relance et ça nuit à l'économie. C'est connu, mais tu sais, on n'y peut rien. On affaiblit les services publics, on atteint surtout les plus vulnérables, tu sais, c'est pas chic. Fait que tu comprends que entre construire des logements sociaux ou des condos de luxe, ben, les politiciens qui cherchent les gains en théorie plus faciles se privent pas. Sortez-moi ça, les pauvres, là. Dès vendredi à part ça. Et comment ne pas conclure que les États font le jeu du grand capital? Ils aménagent des échappatoires qui permettent aux grandes entreprises et institutions financières de délocaliser par centaines de milliards de dollars des fonds qui ne seront pas imposés. Ils revoient à la baisse le taux d'imposition des entités et particuliers nantis qui conservent ici des capitaux et ce, en imitant eux-mêmes les paradis fiscaux. Pour boucler leur budget, ils se trouvent ensuite à leur emprunter avec force intérêt les montants qu'ils ne leur imposent plus. Ils font ensuite peser les conséquences de ce manque à gagner sur les prolétaires et la classe moyenne, en tarifant l'accès à des services qu'ils financent pourtant toujours moins. Tel est le résultat lorsque les peuples confient à l'État à des idéologues qui abhorrent sa vocation sociale. Tel est le résultat de choix qui n'ont rien de technique ou de nécessaire, mais qui répondent d'une politique qui trahit un parti pris. Ça résume en effet assez bien le portrait. Alain Deneau aborde lui aussi le biais idéologique de ceux qui disent que c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que, comprends-tu, quand on laisse les riches créer de la richesse, ben ça ruisselle vers le bas, toutes les couches inférieures finissent par en profiter, tu sais. Ben c'est faux. Tout comme c'est faux de dire qu'il faut abdiquer toute justice fiscale pour que nos entreprises soient compétitives, qu'elles ne quittent pas l'étranger. On abdique, on les laisse jouer à la bourse, à fond d'ailleurs dans la spéculation, vraiment. Et quand elles se plantent, ben qui paye? Eh oui. Mais tout ça peut changer. Oui, oui, oui, je vous le dis, moi. Même Rocky l'a dit, souvenez-vous. C'est que si moi, j'ai changé. Я думаю, что каждый тоже изменился. C'est que vous avez changé. Вы можете измениться. Tout le monde peut arriver à changer. Ah, c'est assez clair, ce message-là. Le Québec doit faire son bout, le Canada, l'Occident, mais chez soi d'abord, on peut le faire. Oui, on peut, comme disait Bob le bricoleur. En exerçant les pouvoirs qui sont déjà en sa possession, l'État du Québec pourrait très bien signer des conventions fiscales visant l'élimination de la double imposition du revenu exclusivement avec des législations ou pays où les taux d'imposition des particuliers ou des sociétés sont comparables à ceux qu'il prévoit lui-même. Cela éviterait qu'une société délocalise légalement des fonds dans la législation dont les taux d'imposition sont nuls ou quasi nuls, tout en rapatriant au pays les capitaux en franchise d'impôts au prétexte que les fonds en cause auraient déjà fait l'objet de perceptions fiscales dans le premier pays. Et dans la conclusion, Alain Deneau écrit « Bien qu'il ne soit pas aisé d'imaginer la façon dont on en viendra à bout dans l'histoire, il urge de se saisir au nom de la citoyenneté, de la question des États offshore, quant à la déréglementation, au sous-financement et à l'impunité qu'il provoque dans tous les secteurs d'activité, la santé publique, l'éducation, la recherche, l'économie locale, la lutte à la pauvreté, la solidarité internationale, la politique municipale, l'agriculture, les droits fondamentaux, les lettres, les arts, les législations de complaisance et l'abdication des institutions publiques en face d'elles deviennent la variable explicative nous permettant de comprendre ce qui détruit le lien social. » « Alors, une escroquerie légalisée, précis sur les paradis fiscaux de Alain Deneau, publié chez Éco-Société, un livre de chevet, si je puis dire, vraiment. C'est bien écrit, exemples nombreux, c'est effectivement précis d'ailleurs, à lire donc. C'est déjà tout pour nous, merci de tout cœur à notre invité Marois Risky, absolument passionnant comme conversation. La semaine prochaine, je lirai des extraits du livre intitulé « Dépossession, une histoire économique du Québec », un ouvrage dirigé par Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l'IRIS, que je recevrai. Soyez là, l'émission Grain de sable suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute, partagez en balado, n'hésitez pas. Merci, à samedi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.